Alors, comme hier soir, il y aura des questions, mais soyez gentils, étant donné qu'on va mettre sur vidéo, de poser vos questions au micro. Je sais que c'est un peu gênant, mais c'est à cause de vidéo, il faudrait poser les questions au micro. Alors, on attend la première question. Oui, mademoiselle? Non? Oui, allez-y. Ça vous fera un peu d'exercice. Allez-y. Je voudrais... Oui, excusez-moi, juste pour répondre à Godin. On mettra demain peut-être plus de micros ici. Claude, tu m'entends? Demain, tu poseras d'autres micros ici. En avant. Je voudrais vous demander, vous trouvez le travail pour les tribus très exécrables, d'après ce que je peux comprendre. Est-ce que vous les trouvez tous exécrables ou s'il y en a qui sont plus valables? Qu'est-ce que je trouve exécrable? Vous avez employé le mot tribu hier soir. Vous ne vous souvenez pas? À propos de quoi? Truffaut travaillait pour la tribu, hein, que vous aviez dit. Non, j'ai dit que le cinéma français à l'époque où on voulait en faire était une famille très, très fermée sur elle-même, comme une tribu ou un clan. Si on n'en faisait pas partie, on ne pouvait pas en faire. C'est ça que je voulais dire, je vois pas. Et là, vous me demandez quoi? Pensez pas qu'il y a, qu'on se vend peut-être pas à travailler pour une tribu ou... Ben, ça dépend les lois et les coutumes. De lamenter. Ça dépend les lois et les coutumes de cette tribu. Cette tribu, c'est comme un. Si vous voulez faire un film dans une grande société Hollywood, il y a aussi une sorte de. C'est comme un clan financier qui impose ses lois et qui fait que. Je sais pas, moi je suis pas d'accord avec ces lois. Enfin, je vois pas ce qu'il veut dire. Non, mais continuez, mais je ne vois pas ce que vous voulez dire. Non, je trouve que ce qui me frappe dans tous vos films à date, c'est que le sentiment que tous vos personnages sont manipulés. Hein? Manipulés par qui? Par la culture, le destin, si vous voulez. Oui, oui. Alors, vous n'avez jamais rencontré un homme libre, en fait, en principe. Quoi? Je trouve que tout vos c'est très triste, vos films. Mais de quel film vous parlez, là? Alors... Des deux que vous avez vus, là? Parlons de... À bout de souffle, celui hier soir, la bande à part, c'est très... Pourquoi faire la danse américaine tout le temps comme ça, semble? Non, j'ai du mal à répondre parce que je crois que vous ne... Enfin, peu importe, vous dites quelque chose, votre opinion sur un film, moi, je n'ai pas spécialement à... J'ai ressenti pour vos personnages, mais je les trouve tous... Il y a une lourde pesanteur qui est par-dessus. Hein. C'est comme si on voyait les sorcières, oui, grecques encore. Oh, je sais, ça, je ne sais pas, mais il y a peut-être... Non, mais c'est trop vague ce que vous dites. Je voulais dire que vous avez un sentiment qui est le destin ou comme ça. Ça, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas des mots que j'en... J'emploierai, si vous voulez dire que vous avez trouvé... Il y a une ligne dans le film qu'on vient de voir. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à le comprendre, mais... Que toute la publicité, le fascisme, par exemple, toute publicité équivaut au fascisme. Oui, mais qu'est-ce que vous trouvez difficile à comprendre, là? Non. Je ne sais pas, moi je vois... Dans la rue, quand on se promène, si vous voulez, on voit beaucoup de mots d'ordre. On voit drink that, ou bien fly that, ou bien cook that, ou bien bring money to that bank. Enfin, je veux dire, une série de mots d'ordre comme ça et de slogans qui sont bon, typiques effectivement de régimes totalitaires. Oui, croyez-vous que la gauche est une solution à ça? Je ne crois pas du tout. Enfin, pas celle qui s'appelle la gauche, non. Ah, c'est ça le message du film qu'on vient de voir? Mais celle qui s'appelle la gauche, je veux dire, elle est élue, elle représente, je ne sais pas, l'autre. En général, dans les pays d'Europe ou d'Amérique, disons, entre l'opposition, qu'elle s'appelle gauche ou pas gauche, c'est moitié-moitié. Donc c'est la moitié, il y a la moitié de vous, il y a la moitié de vous dans la... Merci. Suivant. Oui, M. Gallard, je voudrais vous poser une question qui vous a été posée très, très souvent, j'en suis sûr. Je voudrais savoir quelle est votre position face au réalisme, et ça surtout, disons, au début de la Nouvelle Vague, là, dans les années 60. Face au réalisme. Face au réalisme, vous dites? Oui, c'est ça. Mais c'est quoi le réalisme? C'est ça que je vous demande, là, justement. Vous me demandez à moi ce que c'est que le réalisme? Non, quelle est votre attitude face au réalisme? Oui, mais vous appelez... Non, je veux bien essayer de vous répondre. Je veux dire, c'est pas, je vois pas pourquoi il rit spécialement, mais je veux... Vous appelez quoi le réalisme? Dites-moi un peu, vous me dites qu'est-ce que vous pensez de Jules, et puis vous me dites pas qui est ben, Jules. Dans vos films, montrez-le-moi. À une certaine époque, vous avez fait allusion... au cinéma de lumière, qui se voulait, lui, réaliste. Et puis aussi, vous avez fait des... vous avez nuancé votre... comment je pourrais dire? Vous avez nuancé votre définition du réalisme en disant que vous feriez un cinéma qui, je ne me rappelle pas exactement comment vous avez dit, qui tiendrait de... qui serait du Méliès tourné à la lumière. Ben, c'est-à-dire, oui, je trouvais le... L'histoire de Méliès et Lumière, qui ont travaillé à peu près au même moment, était intéressante parce que d'habitude, ce qu'on appelle réaliste, moi je faisais ça simplement pour dire, ben voyez, c'est pas si simple, parce que ce qu'on appelle réaliste d'habitude, par exemple, on disait que Lumière était réaliste, on dit que Méliès était plutôt un espèce de poète ou comme ça. Par exemple, on oppose poésie à réalisme, disons ce qui s'appelle un poème serait réaliste et puis un annuaire de téléphone ne serait pas réaliste. Pour moi, un annuaire de téléphone est tout aussi, il peut être très poétique et au contraire qu'est-ce qu'il y a? Façon, merci. Non, pas du tout, moi j'ai même pas commencé encore. Donc c'est... Alors par rapport à Lumière et Méliès, Lumière, il filmait, disons, des tramways ou des scènes de la vie privée ou des gares. Et du reste, tandis que Méliès, on le présentait comme quelqu'un qui filmait le voyage sur la Lune ou des disparitions et des asparitions, des choses plus fantastiques ou extraordinaires. Mais en fait, Méliès, par exemple, il avait un autre genre de réalisme. Il a fait des actualités. Et ses actualités étaient simplement reconstituées, mais il a tourné le couronnement de la reine d'Angleterre, il a tourné la visite de l'ambassadeur de Yougoslavie à Marseille, enfin des choses comme ça, qu'il reconstituait dans son studio. Et du reste, il y a beaucoup encore aujourd'hui, ou pendant la guerre, souvent soit les Allemands, soit les Américains faisaient des actualités truquées, enfin les gens ne le savent pas, mais ils avaient des studios avec des gens qui étaient là, des partis d'armée qui étaient... Et puis c'est ça qu'on montrait aux actualités en faisant croire qu'on avait été sur le front. Moi, je suis sûr que les trois quarts des actualités qu'on a rapportées du Vietnam sont fausses. Enfin, oui, fausses au sens classique. Alors, moi, tout ce que je voulais dire par rapport à mieux, je disais finalement, si vous opposez réalisme à fantastique, ben Méliès, d'une certaine manière, était beaucoup plus réaliste que Lumière. Du reste, comme Jules Verne, à un moment donné, son voyage sur la Lune, ben, il l'avait déjà filmé avant d'autres. Et si on examine le soi-disant réalisme, en employant le sens habituel de Lumière, on s'aperçoit qu'il filmait par le cinéma exactement ce que les peintres impressionnistes de l'époque, et ça c'est Langlois qui l'a montré, filmaient justement. Peignet, il a filmé la gare du Nord comme Claude Monet a peint la gare du Nord. Il a filmé le goûter de bébé, mais exactement comme un peintre comme Édouard Manet avait peint des scènes de famille. Or, justement, les impressionnistes, quand ils ont commencé, on les a accusés d'être irréalistes. Leur nouvelle manière de peindre par rapport à l'ancienne était accusée d'être irréaliste. Donc on voit, il ne faut pas... Moi, c'est ce que je voulais montrer. Et je trouvais que Méliès était d'une certaine manière plus intéressant que Lumière parce qu'il avait, il mettait en scène. Il s'avouait comme metteur en scène. Quoique si on regarde bien Lumière, et c'était dans les documentaires que lui a consacré Henri Langlois, c'est ce que Henri Langlois dégageait ça quand même. Je veux dire, dans l'arrivée du train en gare, il a pas pris n'importe quel angle. On aurait pu en prendre un autre, mais lui, il a pris l'arrivée du train. Il n'y avait qu'un angle à prendre, et du reste, tout le monde aujourd'hui, si on filme un train qui entre en gare, se met à la place où Lumière s'est mise, encore aujourd'hui. Merci. Merci. Par rapport au cinéma muet, justement, dans plusieurs films, j'ai vu des répétitions de scènes. Comme dans Les Carabiniers, la fille qui se fait fusiller remet son chapeau deux fois. Et puis, ce soir encore, il y avait plusieurs scènes qui étaient répétées plusieurs fois. Dans d'autres films aussi, comme Bande à part, il y a plusieurs séquences, scènes répétées, plusieurs plans répétés plusieurs fois. J'aimerais savoir, moi je vois là-dedans quelque chose qui a rapport au cinéma muet, comme lorsque le montage n'était pas encore mûr, puis qu'on ne pouvait pas faire le raccord entre deux plans, mais j'aimerais savoir c'est quoi votre position là-dessus. Ben, c'était uniquement pour... justement, voici une loi de la tribu ou du clan dont on parlait qui dit que... qui, à un moment donné, je sais pas, c'est le parlant qui a amené ça petit à petit et qui a détruit quelque chose qui, au lieu d'aller plus loin que le muet à sa manière, avec le son, là, a détruit ce que le muet avait fait, c'est-à-dire... si ce qu'on appelle le raccord, justement, c'est-à-dire une certaine manière de passer d'un plan à un autre, et le parlant a dit, il n'y en a qu'une bonne, c'est si dans un plan je fais ça, ben le plan d'après ne doit pas recommencer là, il doit recommencer juste à la suite, pour soi-disant qu'il n'y ait pas de heurte, que ça soit harmonieux. Or, même la littérature ne fait pas ça. Ça peut être une phrase, par exemple, je la regardais, et puis à la ligne, elle me sourit. Bon, mais je veux dire, il n'y a pas, à ce moment-là, un plan, une répétition, ce que vous appelez une répétition, je ne sais pas, n'est pas une répétition. Si je veux faire ça, je peux faire... un plan, je la regardais, puis elle fait quelque chose, et puis après... elle me sourit, ben elle refait la même chose, simplement. Et à ce moment-là, bon, c'est à la fois, c'est la suite, mais c'est la suite d'une idée, c'est pas forcément la suite du geste. Et moi, je tenais effectivement, dans certains films, à commencer à me libérer de ça. Là, c'était, disons, peut-être des fois un peu provoquant, mais c'était ça qui m'intéressait chez Eisenstein, enfin, des tas de metteurs en scène comme ça. Effectivement, c'est plus, le plastique ou en musique, ça se fait. En musique, ça se fait beaucoup. C'est pas parce qu'on a écrit do, ré, mi, fa, sol qu'on peut pas qu'on est forcé de continuer systématiquement do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si on refait un autre accord après. On peut mettre une note qu'on a déjà entendue. Et puis aussi, on a vu la nouvelle vague comme un contre-mouvement de ce qui se faisait à Hollywood, comme d'autres mouvements, comme le nouveau cinéma, puis le nouveau cinéma, comme les Allemands font en ce moment. J'aimerais savoir, à la suite de ça, il y a un livre qui s'est écrit qui s'appelle « La mort du cinéma ». J'aimerais savoir votre position là-dessus. Mon impression, sûr, je n'ai pas bien entendu juste avant. C'est parce que cet auteur-là proclame que le cinéma est mort, en d'autres mots. J'aimerais savoir... Quel auteur? Je ne me souviens plus exactement du nom. Ça s'appelle « La mort du cinéma », c'est dans l'édition 7e art. Ça, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est bien vivant, mais il est peut-être... les vivants sont bien malades aussi, souvent. C'est... Ça dépend aussi, il y a 3 mois avant la mort de Langlois, je venais de dire ici, justement, quand il a présenté Nana, grâce à Langlois, le cinéma est vivant, il arrive, il court, 300 livres, il dit, non, le cinéma est mort. Pour lui, le cinéma est mort depuis 1930, depuis le parlant, là, ça dépend. Ok, suivant. Alors, Monsieur Godard, il y a parfois des questions qui sont décevantes. Et il y a parfois aussi des réponses qu'ils sont. Quand on demande qu'est-ce que le réalisme, c'est une question bien théorique et la prendre au sérieux, c'est-à-dire essayer d'y répondre et répéter, par exemple, l'histoire de Méliès et de Lumière, choses qui ont été écrites déjà, que vous avez écrites il y a plusieurs années dans les cahiers du cinéma. Alors, reprendre cette histoire... c'était évidemment très bien. J'ai lu ça hier, après avoir visionné Bande à part. Et... Alors, j'ai pris vos cahiers et je les ai lus en vitesse. Et je trouve que c'est décevant de répondre à une question comme celle-là. Qu'est-ce que le réalisme? C'est-à-dire que je vais exprimer une question, si je peux. Voilà, il y a deux films ce soir, Alphaville et... Made in USA, USA, si vous voulez. Alors moi j'ai... Vous voyez, là, vous faites une erreur, vous n'êtes pas très réaliste, parce qu'il n'y avait justement pas Alphaville ce soir. Attendez, qu'est-ce que c'était à cette heure? J'étais pas là. Parce que Alphaville a passé à la... Excusez, il n'y a pas de quoi rire, vraiment. Non, mais voilà une indication sur le... qui peut nous donner des idées sur le réalisme, déjà. Ah, peut-être. Quelqu'un qui parle à un endroit où il n'est pas, ce qui est... Bon, c'est une notion plus large du réalisme. Moi, je ne trouve pas du tout. Je me suis foutu de l'autre personne en essayant de, je sais pas, de réfléchir et de repartir effectivement d'une idée que j'avais eue sur Méliès et Lumière. C'est-à-dire qu'il faut peut-être forcer les questions. Quand une question est... C'est-à-dire, il faut forcer les gens à être présents. Vous me dites qu'Alphaville n'est pas là, ça m'éclaire, parce que moi, je suis arrivé ici à 9h passée. Alors, à 7h, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu numéro 2. Ah, pourtant, dans le programme... Oui, mais le programme n'est pas réaliste non plus. En effet, si vous permettez, je passerai un commentaire. Non, d'accord. Sur ce fameux programme qui bilingue... Et d'assimilation d'une chose absolument dégueulasse, où on met le côté jeudi, Thursday, et le chiffre, ou je ne sais pas exactement, en tout cas tout ça pour nous tuer dans notre langue encore. Excusez-moi, vous posez cette question à moi à une autre date. Quelle est votre question pour M. Godard? Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que Made in USA. Je suis arrivé 30 minutes en retard. Écoutez, j'ai déjà vu ce film il y a plusieurs années. Et là, ça me semblait très complexe. Et la première personne qui vous a posé la question, c'est-à-dire, il y a des idées. Vous pouvez nous résumer votre film en 2 minutes, une minute. OK. Non, moi, je trouve résumer, si je me mets à résumer, moi, ça me prend un temps... un temps inouï. Et puis je trouve le cinéma du reste, et je préfère la télé, essayer de faire la télévision ou des séries ou des articles dans des journaux ou dans des revues maintenant, parce qu'un film, ce que je trouve difficile, si vous voulez, c'est qu'il faut mettre des milliers de choses dans une heure et demie. C'est ce que demande le public, et qu'on doit tenir compte de ça, et que même en quatre heures, moi, si je faisais vraiment un film aujourd'hui, ça me prendrait pas forcément longtemps, mais il durerait, en tout cas un mois, deux mois, de manière ininterrompue, si c'est un vrai roman. Quand vous lisez un des grands romans, les grands romans classiques anglais, américains, ou russes ou français, je veux dire, vous en avez toujours pour deux ou trois mois à le lire. Autant n'importe le vent, ça se lit pas en cinq minutes. Il y a quelque chose de réel. Donc je peux absolument pas vous résumer. Je peux dire l'idée sur laquelle j'étais parti à l'époque, qui était un épisode de l'affaire qui s'est appelé l'affaire Ben Barka en France. Et pour moi, c'en était une espèce de transposition à ma manière. C'est-à-dire, l'affaire Ben Barka, c'est une histoire, c'est l'histoire. Mais l'idée, est-ce que... D'ailleurs, vous me décevez en ce moment, votre réponse me déçoit. En ce sens que quand vous dites que le public attend des films de 30 minutes, de 30 heures, non, vous faites des films, vous savez ce que vous dites? Non, il attend pour 3 $, 30, si possible, 30 heures de fiction, mais pour 3 $ et pendant 1 h 30. Il ne faut pas oublier les 3 $, les 1 h 30 et peut-être l'âge qu'il a, les 15 ans qu'il met tout à coup... par l'intermédiaire de 3 $ dans 1 an et demi, ou les 30 ans, ou les 50 ans. Mais je ne comprends pas. C'est vous proposer un film de consommation? Bah, excusez-moi. On viendra faire des cours pour ça, pour vous expliquer plus longtemps. Vous me semblez très professoral, en effet, cette histoire de réalisme. Mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus vis-à-vis d'un élève qui... Moi, j'ai tout à apprendre. Eh bien, vous êtes bien prétentieux pour quelqu'un qui a tout à apprendre, parce que vous donnez, sous prétexte de poser des questions, en fait, c'est des réponses déguisées, toutes faites, et vous avez un système tout fait que vous présentez assez hypocritement comme question. Alors, la question suivante, s'il vous plaît. Merci. Je pourrais en poser une autre. Ben, excusez-moi, vous avez tenu pas mal le micro. Il y a d'autres gens. Dans le film À bout de souffle, à un certain point, Jean-Paul Belmondo sort de la voiture, arrête sa voiture, sort et il lève la jupe d'une femme. Est-ce que c'était une mise en scène? Ou est-ce que cette femme marchait seulement dans la rue et Jean-Paul Belmondo a décidé de faire ça? Non, c'était une figurante. Merci. Vous pouvez me rappeler le plan, quel est le dernier plan ou la dernière, ce que vous appelez la dernière scène de numéro 2 qui vous a semblé, d'après vous, tragique? Le dernier plan, c'est le plan où il y a... Oh ben moi, je somnolais, je rêvais, ça n'a rien de tragique. Ben, ou être fatigué n'a rien de tragique. Enfin, où ça dépend qui est fatigué. Un plan de travailleur ou un plan de... Je sais pas. Celui-là serait plus tragique. Là, c'était pas tellement... le tragique n'était pas dans le fait que j'ai l'air fatigué, effectivement j'essayais de la fatigue, mais c'était, moi j'essayais de rendre compte que ce qui était tragique aussi et qui n'allait pas, c'était que je parlais à la place de quelqu'un d'autre, et que là, bon, c'était moi un type plutôt qui devait encore faire dire à une actrice, mais c'est pas à lui, ça serait pas à lui à parler. Mais hélas, moi, je ne sais pas parler. Alors que peut-être c'est ça l'ensemble qui donne un ton que moi, j'appellerais pas tragique. Oui, je voudrais savoir quel type d'incidence souhaiteriez-vous que vos films aient sur les gens? Ben, qu'ils sentent... Et je crois qu'il y a des bouts de... Qu'il y a des bouts de ça, enfin, c'est... Qu'ils sentent le film comme un... Comme un retour d'un chemin qu'ils aient fait, non pas comme un autre aller. Et c'est en ça qu'ils s'opposent... Je ne sais pas, j'ai vu cet après-midi un film qui s'oppose aux films dits commerciaux, mais disons qui est un code, qui est une loi. Et moi, je trouve le commerce, et même le commerce n'est pas fait comme ça, parce qu'il y a un aller-retour dans le commerce. Vous donnez, et puis on vous vend. Mais je veux dire, il y a un échange, et l'échange n'est pas si libre que le prétend la société dite du libre-échange. Mais il y a quand même... Il y a un mouvement, tandis que, je ne sais pas, je voyais un film, bon, dit du commerce, justement, qui ne respecte même pas les lois morales du commerce, dans la mesure où il n'y a pas d'échange. Un film, je ne sais pas, j'ai été voir cet après-midi, qui s'appelle Rocky. Et effectivement, on a tout à fait l'impression, le public va au film, si vous voulez, et puis après le film, il va, mais on ne sait pas où. Mais il ne revient pas, lui. Il va, on ne sait pas où, il se perd. Alors, il paye $3, et il se perd quelque chose qui devrait lui, et ça devrait lui déplaire, ça, parce que si par hasard il donne $3, et puis que le type, quand il achète un produit, peu importe, une bicyclette, un livre, enfin un produit, une marchandise, et puis que le vendeur après lui dit merci, et puis il lui donne pas, ben, il s'estimera lésé. Mais bizarrement, au cinéma, c'est de ça qu'il est content. À la télévision aussi. Quoique la télévision, c'est beaucoup plus fort d'une manière que le cinéma, car comme le poste est là, l'écran n'est plus là, on est allé ailleurs, mais comme le poste est là, et il fallait pour ça que la télévision soit inventée, parce que sinon les gens auraient fini par s'apercevoir que ce mouvement, ce retour qui n'existait jamais, finissait par leur faire du mal, que eux apportaient, effectivement, il y a un mouvement populaire d'apport, et puis après, il n'est pas rendu, et qu'il y a quelque chose de mauvais. Et moi-même, j'ai besoin de ce sentiment-là. J'étais en même temps content de voir ce film Rocky, ou comme ça, qui m'apportait, je ne sais pas, un désir d'être ailleurs à un moment donné. Et puis ensuite, après, à la fin, je ne suis pas content, car ce désir ne me rend pas. Le film ne me conteste pas, ou ne m'approuve pas, ou des choses comme ça. Et donc, je ne sais pas, moi, je ne réponds peut-être pas vraiment à votre question, mais c'est des choses comme ça que j'ai envie de dire. Comme ça, tu m'as fait perdre $3. Suivant. Monsieur Godard, en suivant le film, j'ai eu l'impression que j'étais en train de feuilleter une bande dessinée, un livre de bande dessinée, en ce sens qu'il y avait beaucoup de gros plans où les acteurs ne se déplaçaient pas beaucoup, il y avait beaucoup de couleurs, où le visuel finalement était très très apparent. Mais par contre, le texte, lui, était plutôt pauvre, comparativement au visuel, et l'intrigue, finalement, était très banale. Je me demande, face à ça, si vous n'avez pas voulu faire, enfin, un genre de satire où simplement, vous moquez un peu de la peur du communisme et, enfin, de tout, un peu des médias, si on veut. Enfin, c'est ça, là, dans le gros, ma question, ce serait, est-ce que c'est finalement, est-ce que c'est un genre de moquerie que vous avez voulu faire du système, si on veut. Enfin, système, comprenons-nous sur le mot. Bon, je n'irai pas plus loin, ma question s'arrête là. Non, je ne crois pas, mais pour le côté, si vous voulez, bande dessinée, peut-être, ça c'est... Je trouve effectivement qu'il y a souvent plus de liberté dans... dans une bande dessinée, dans la manière de raconter quelque chose, des gens qui se gênent moins avec ce que monsieur appelait tout à l'heure le réalisme, qui n'en ont pas, qui ne se comportent pas vis-à-vis du réalisme comme vis-à-vis d'un papa et maman qu'il faut respecter de manière... et puis qu'il y a un autre réalisme que, par exemple, je ne sais pas, n'importe quelle bande dessinée souvent a une manière plus réaliste de parler que, je ne sais pas, que Le Devoir ou La Presse, pour citer des journaux que vous connaissez, qui me semblent, moi, à des moments, dans leur façon de raconter, de toujours mettre des colonnes comme ça, de mettre des photos qui n'ont absolument aucun rapport avec parce que ce n'est pas possible... Si on parle par exemple de l'indépendance du Canada, on met la photo d'un bonhomme pour illustrer ça. Comment est-ce que la photo d'identité, même de quelqu'un qui a prononcé le mot indépendance, peut avoir... La notion d'indépendance est un truc complexe. Il faudrait des séries et des séries et des séries de films pour arriver à la rendre un peu. Or, on met une photo d'un chef de gouvernement ou de celui qui a écrit l'article. En général, il y a deux photos, ce qui est absolument invraisemblable. À des moments, les bandes dessinées, enfin faites c'est comme les dessins d'enfants, si vous voulez, qui souvent sont très simplement réalistes. Ils dessinent des arbres, des trucs très, très banals, comme vous le dites. Là, effectivement, il y a une histoire très banale, et puis... on essaye d'aller dans cette histoire, non pas uniquement avec des mots comme les scénaristes, et les images venant simplement illustrer, mais on essaie d'y aller par l'image ou par le son qui raconte lui-même quelque chose. C'est plus près de la musique. C'est pour ça qu'à la fin du film, moi j'ai mis une musique classique que j'aimais bien autrefois, que j'aime pas spécialement, qui est un concerto de Schumann, si vous voulez, parce que ça me semblait tout à fait normal de terminer par de la musique simplement. Oui. Allez-y. Je voudrais que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous entendez. Quelle est la signification exactement de votre expression que la gauche est sentimentale et la droite elle est bête dans sa méchanceté? Je finis par croire que à force de la voir toujours, que la droite ne doit pas être si bête que ça. Donc moi je changerais mon opinion là-dessus. La droite doit être rudement intelligente et la gauche est plutôt un peu bêtement sentimentale. Alors, mais entre les deux, c'est un peu triste de n'avoir que ce choix. Enfin, à l'époque, je crois que c'était une citation de je ne sais plus qui, comme ça, mais je m'en souviens plus ce que je voulais très bien dire. Ah bon. Alors, si vous permettez un follow-up, une continuation, si vous dites qu'on se trouve... effectivement devant deux alternatives que toutes les deux c'est quand même un film qui date ce qui est extraordinaire avec le cinéma, c'est à cause de ce mouvement dont je vous parlais qui ne revient jamais, même nous, disons les intellectuels ou les gens plus habitués à manier ça, on ne date jamais les films comme si c'était honteux. On les date historiquement, mais au moment où on en parle, tout à coup, il sort de sa date. Alors on dit, Griffith 1924 ou Griffith 1916. Et puis on parle, puis on en parle comme si c'était aujourd'hui. Mais une voiture, ça serait une voiture ou un truc... c'est quelque chose d'assez étrange. Par contre, il y a un truc aussi qui m'étonne. On dit en même temps un vieux film... On dit moins rarement un vieux livre, ou si on entend ce qu'on entend par un vieux livre, c'est un livre abîmé. Mais on ne dit pas j'ai lu un vieux Dostoïevski. On dit j'ai vu un vieux Godard. C'est assez étrange. Alors, si effectivement, ce qui est plus réalité, alors voyez que ce film aujourd'hui, il a, il a dû être tourné vers 66, donc il a 10 ans. C'est un film qui a 10 ans. À l'époque, moi-même, j'avais 35, presque 36 ans. Donc c'est un film qui a 36 plus 10 ans, d'une certaine manière aussi. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. Alors la gauche et la droite, c'est compliqué. Ce qui serait intéressant, c'est aujourd'hui, je ne sais pas, moi ça me fait penser, effectivement, qu'ai-je voulu dire là, à quoi je pensais aujourd'hui. À un moment donné, 2 ans et demi après, je me suis senti dans un mouvement qui s'appelait le gauchisme, ou le gauchisme français, je ne sais pas ici ce que c'était. Donc, je pense que c'était un embryon, un foetus. Comme ça, il y avait un foetus de ce que moi j'étais comme bébé gauchiste de 2 ans, c'est-à-dire en 68. Bon, moi, je répondrais ça comme ça. Je ne peux pas vous parler de la gauche et la droite. Tout ce que je vois, c'est que la droite est au pouvoir depuis longtemps partout, enfin dans l'hémisphère occidental, et que l'opposition, enfin, c'est que l'opposition gauche-droite est du même type pour moi que l'opposition démocrate ou républicain aux États-Unis, si vous voulez. C'est un espèce de jeu de balance, de même qu'on dit peuple, parlement ou des choses comme ça, qui fait, puis que les gens doivent bien aimer puisque ça continue. Enfin, que l'ensemble des gens, tel qu'il peut exprimer une force ou un pouvoir, ça doit bien marcher puisque ça marche. Merci. Monsieur Godard, votre rythme de réalisation ces dernières années est devenu moindre qu'à une certaine époque. Non, il s'est augmenté alors. Bon, mais justement, pourriez-vous... En général, moi je tournais 2 films par an. Mm-hmm. Et ma seule idée dans le cinéma quand j'ai commencé, c'est d'essayer de... Comme Chabrol avait commencé avant moi, mon seul but c'était d'arriver à faire plus de films que Chabrol. C'était vraiment une raison de faire des films, j'en avais pas d'autres. Mais on ne sait pas, à partir du fait que peut-être vous avez moins vu les films, oui, c'est peut-être ça. On en a fait tout autant, parce que j'ai toujours fait 2 ou 3 films par an, et là même ces dernières années, ça s'est même considérablement augmenté, puisque l'année dernière, on a tourné 10 heures de films, et c'est pas parce que pour la télévision, 10 heures, c'est plus long qu'une heure et demie, et donc, et on les a tournés en trois mois et demi, cette année-là, on va faire une quinzaine d'heures, plusieurs films, donc ça me semble, ce qu'il y a, c'est possible. À cette époque, j'aurais jamais pu tourner 10 films d'une heure et demie. Tandis qu'aujourd'hui, je pense qu'on commence à pouvoir. Pourriez-vous justement parler un peu de vos réalisations là, ces dernières années qui sont moins vues? Je ne sais pas trop à cause de quel phénomène. Peut-être que ça des circuits un peu... Je crois que vous... parce qu'ils n'ont jamais été vendus, parce qu'ils ne trouvaient pas d'acheteurs, ou qu'ils ont été produits par des télévisions, comme un film que vous voyez demain qui a été fait en 69... qui s'appelle British Sound et un autre qui s'appelle Lutte en Italie, qui a été produit l'un par la télévision anglaise et l'autre par la télévision italienne, puis quand ils les ont vus, ils n'ont pas désiré les passer. Puis bon, ces films qui étaient des films d'études pour la télévision, n'ont pas le marché du cinéma, les salles de cinéma ne passent pas à ces films-là, c'est pas organisé, c'est pour ça. Mais c'est un genre de film que vous définiriez comme quoi, étant plus militant ou... Oh non, absolument pas, disons, c'est plus carrément, c'est des films qui s'avouent comme des essais, ou comme des éditoriaux, ou comme un article. Et comme c'est également nouveau dans le cinéma, enfin les premiers, je trouve que Lutte en Italie et British Sound sont des débuts, sont un peu effectivement rébarbatifs, ou comme ça je trouve les derniers, Comment ça va, ou Ici ailleurs, un peu mieux. Est-ce que ces films ont une chance d'être vus dans des... Non, parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Il faudrait un autre système plus communautaire, plus marginal, mais il faudrait que la marge puisse s'agrandir et prendre un peu une plus grande partie de la page, si vous voulez, qu'il y ait effectivement une télévision, sinon communautaire, comme, moi je préfère le mot communal, ou villageoise, ou petite ville, où effectivement il y aurait une petite station de télévision ou quelques salles de cinéma qui fonctionnent d'une autre manière, si on veut voir les films un peu plus que chez soi, et qui, si ensuite on pense qu'ils ont un intérêt au niveau, un niveau national ou même international à ce moment-là, soit on les envoie en mondiovision, soit au contraire on tire des copies, on utilise le système cinématographique habituel. Êtes-vous actuellement en train de travailler sur certains projets particuliers ? Pour l'instant, on a un projet de feuilleton à Antenne 2 en France, oui, qui s'appelle le Tour de France. Et qui parle de quoi ? Enfin, quel est le thème ? On fait le Tour de la France. C'est d'après un livre classique en France, un vieux livre qui s'appelle Le Tour de France par deux enfants. Et bon, bah, c'est une occasion de faire, je sais pas, le tour de la question et le tour de la France en même temps. D'accord, merci. C'est la course cycliste. Oui. Yes, I'd like to know, how are we to look at your films? What criteria must we use to criticize and judge them? Attends, Could you say it again more slowly, because I don't understand English very well. How are we to, what criteria must we use to criticize your films? No, may you speak louder, because he cannot understand. Don't go too close, you know, to the micro, that's your problem. Okay. How must we look at your films, and what criteria must we use to criticize them? Mais ça, il faudrait que j'en parle plus longtemps pour savoir avec quelqu'un qui arriverait à savoir soit ce qu'il aime, soit ce qui reproche. Donc, il faut à la fois une critique technique, la technique étant un moyen de parler de l'idée, l'idée étant un moyen de revenir par le biais de la technique à la manière matérielle dont on a fait quelque chose. Comment est-ce qu'on... Un film, justement, même un livre, ou comme ça aujourd'hui, beaucoup moins, on dit juste « ça m'a ennuyé » ou « ça m'a plu », alors que un plat de cuisine... moi je pense qu'on peut tout à fait critiquer un film ou un livre comme on critique un plat de cuisine en disant ben, on l'a cuit un peu trop longtemps, on a mis 4 grammes, 4 c'est technique, et puis poivre, bon c'est la matière. Alors le film c'est pareil, il y a de la technique à un moment donné, et puis il y a un mélange de matériel... De matière et d'idées ensemble qui peut être critiquée. L'endroit où on a mis la caméra, la longueur du plan, l'éclairage, et puis aussi le rapport du dialogue, du son à l'image, que si on fait telle image, on ne peut pas faire tel dialogue. Moi, je trouve, à un moment donné, la vidéo m'a intéressé, si vous voulez, la petite vidéo... Parce que c'était le moyen de se servir à mon niveau, qui moi alors suis là un amateur, comme un jouet qu'on reçoit à Noël, si vous voulez. C'est pas des super trucs dont les gens ne savent pas se servir et qu'ils ont dans les studios, dont ils ne savent et dont ils ne font rien du tout. Par exemple, le simple fait de pouvoir mélanger deux caméras. Moi m'aide ou m'intéresse car je peux penser à un changement de plan et à un moment voir le changement de plan, l'immobiliser en mettant simplement une partie de l'écran et puis une partie de l'autre, et à ce moment-là c'est pas pour moi un trucage comme on le voit le faire au film où on divise l'écran en deux comme certains films font comme ça, qui est un espèce de gadget visuel car le film ne raconte tellement rien qu'il faut faire croire aux gens qu'on raconte quelque chose, comme un chanteur qui s'habille avec des habits de lumière pour faire, parce qu'effectivement, s'il n'y avait que la chanson, aujourd'hui, elle serait inécoutable parce qu'il n'y aurait rien à écouter. Donc il faut masquer tout ça de beaucoup de brillant. Alors là, vous voyez, par exemple, je vous disais, la vidéo, je trouve intéressant parce qu'on peut voir les côte à côte ce que jusqu'à maintenant, je n'avais vu en cinéma et pratiqué en cinéma que l'un après l'autre. Il y a moi et puis il y a vous, par exemple. Ou alors, troisième plan, les deux ensemble. Alors là, moi, ce qui m'intéressait, c'est pas forcément bon, si vous voulez, de nous mettre les deux ensemble, l'image séparée. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'un glisse sur l'autre. Et à ce moment-là, ça permet de penser le plan. Et nous, si vous voulez, on visualise ce moment-là. À des moments dans certains films qu'on a fait, vous verrez exactement dans Comment ça va même, c'est tout ça. Il y a une photo du Portugal et une photo de France. Et puis on fait un rapport. Et effectivement, un événement qui s'est produit en France à Nantes à la suite d'une grève. Et au Portugal ensuite, ben, on a vu que deux personnes, deux ouvriers ou je ne sais pas quoi, à un moment donné, avaient à peu près la même expression. Mais qui était une expression assez dure et qu'on trouvait assez dure dans le plan du français parce que la grève était un échec et qu'on trouvait assez, alors c'était la même expression à peu près, à un moment on le montre même physiquement parce que la bouche des deux, c'était ça qui m'intéressait, la bouche d'un militant portugais allait dans la bouche d'un militant français, c'était exactement la même bouche. Mais elle donnait pas l'impression de tragique au Portugal, bon, parce que c'était juste un moment où il changeait. Tandis qu'en France, c'était un moment où ça changeait, mais ça changeait, c'était le creux de la vague, si vous voulez. Ok, merci. Suivant. Oui. Au début de votre carrière, vous partagez avec Melville Truffaut, une nostalgie pour le cinéma américain des années 30-40. Et aussi, je voulais vous demander maintenant, 20 ans après, quand vous voyez un phénomène commercial au cinéma américain, il y a une nouvelle vague nostalgique pour King Kong, pour le Farewell My Lovely, un film comme ça, That's Entertainment. Qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-là du phénomène Si vous voulez, je ne sais pas, je vous ai dit tout à l'heure, moi je préfère un film comme Rocky, pour en parler, ou ce genre de films-là, qui sont honnêtement commerciaux, si vous voulez, qui sont malhonnêtes dans leurs principes, mais bon, qui sont francs, si vous voulez, que des films comme ceux de Polanski ou ceux d'Altman, par exemple, ou comme ça, qui me semblent faire semblant d'être intellectuel à un endroit où ils sont pure marchandise. Et je trouve plus intéressant l'intellectualisme dans la marchandise que le contraire. Une autre question, c'est aussi les goûts pour la citation dans vos films en général, surtout la citation littéraire. Maintenant que vous êtes... Mais c'est parce que moi, j'ai jamais rien inventé, j'ai toujours pris. Moi, je suis incapable d'écrire une ligne. Ou peut-être je commence aujourd'hui. Non, mais oui. J'étais incapable de faire qu'un personnage dise à l'autre « je t'aime », par exemple, si je ne l'ai pas lu quelque part. Comment vous voulez inventer ça? Je peux le dire moi-même à quelqu'un, mais comment est-ce que je peux le faire dire à un acteur? Ça me paraît impensable. À ce moment-là, je recopie, et puis je recopie dans un autre bouquin une phrase qui dit « eh ben, pas moi ». Puis je les mets les deux ensemble, et puis ça fait un plan, je t'aime, et puis, eh ben pas moi. Mais moi, ce que j'ai inventé, c'est le rapport de l'un à l'autre, et dont je me suis servi à un moment donné, comme on prend du rouge et du bleu, pour faire du violet. Oui, mais disons maintenant que vous faites des films politiques, disons militants, que vous non, parlez... Non, de... non, mais je voudrais pas, oh, pas du tout, c'est vous qui dites ça, moi je fais pas de films militants. Enfin, c'est votre réputation, donc. ben, c'est pas... À ce moment-là, le goût pour si la citation, ça ferait vos films plus incompréhensibles pour des gens, des ouvriers. Mais maintenant, il y a beaucoup moins de citations, la citation est beaucoup plus générale. L'exemple que je vous donnais, c'est des choses plus complexes. Par exemple, le film qu'on a fait sur des questions et des réponses qu'on donnait à des événements au Moyen-Orient, enfin, que j'appelle moi notre film sur la Palestine, si vous voulez. Bon, à ce moment-là, l'élément qu'on prend, c'est ici, puis un autre élément ailleurs, et puis on essaye de les mettre comme ça. Les citations sont... c'est pas des citations, c'est des documents... Mais je pense que le fait que j'ai fait beaucoup de ce qui s'appelle des citations était un début beaucoup plus morcelé de ce qui se passe maintenant. Mais c'était une attitude assez réaliste de non-invention. L'invention n'est pas dans... Et j'ai rarement inventé ce qui s'appelle créer, j'ai toujours adapté. À bout de souffle n'est pas une histoire de moi. C'est un scénario qui avait été fait par Truffaut et qui avait même été fait d'après un fait divers réel. Bon, ensuite, Le Petit Soldat, la guerre d'Algérie, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je suis absolument incapable, je vous dis, d'invention. C'est pas que je rêve pas, mais ensuite, au moment où on travaille dans la vie, c'est... On peut pas inventer. Ou l'invention vient après. Mais je pense qu'effectivement, le drame vient de ce que les ouvriers n'arrivent pas à inventer l'usine, par exemple. Et qu'effectivement, quand on les fait rêver après, il ne faut pas qu'ils se plaignent, s'ils aiment bien ça. Moi, tout ce que je dis, si tu vois un film comme Rocky, un ouvrier qui est en grève après, je lui dis, mais... pense qu'il y a un rapport et si tu te plains là, plains-toi aussi ailleurs et tu as sûrement de meilleures idées que moi pour changer le cinéma. Car si tu le laisses à moi changer, il risque encore moins de changer que si tu me laisses à moi le soin de changer l'usine où tu es. Merci. Oui, bonsoir. Remarquez bien, moi aussi, comme TQ Einstein, je suis arrivé en retard ce soir, là, mais encore que ça ne s'aurait pas été posé, cette question-là. C'est un truc qu'on ne dit jamais dans la télévision par rapport au cinéma, on ne dit jamais, ou au théâtre, on ne dit jamais, je suis arrivé par rapport à votre poste de télévision, je crois qu'on, je ne sais pas, moi, moi non plus, je m'aperçois tout à coup, je ne me dis jamais, tiens, j'arrive en retard, ou j'arrive en avance. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Non, c'était juste une remarque comme ça. Je suis bien en avance de mon cours demain, en tout cas. Oui, c'est pas grave. Allez-y avec votre question. Enfin, j'espère qu'on n'a pas trop parlé de ça ce soir. J'aimerais savoir si vous pourriez donner des impressions que vous avez de notre cinéma à nous, du cinéma québécois, si vous le connaissez un peu. OK. Non, je connais alors quasiment pas. J'ai vu, je crois... les un ou deux films de Lefebvre à ses débuts, et puis c'est tout. On doit dire que ben, ça, c'est de votre faute. Hein. Vous êtes en Amérique, c'est le cinéma américain qui domine. Y a pas, on peut dire que même s'il y a du cinéma canadien, quelquefois qui est produit, ben, il n'est pas diffusé. Donc s'il n'est pas diffusé... je crois qu'on le voit encore moins que mes films sont vus, si vous voulez. Ben, encore une question, alors il accepte. S'il vous plaît. Dans votre film La Chinoise, jusqu'à quel point étiez-vous conscient du phénomène de ce qui s'est passé un an plus tard, les étudiants qui ont tombé en grève en France? Dans les universités? Ben, il est conscient dans la mesure où... Enfin, c'est pas pour faire un jeu de mots, il était inconscient et que... Mais qui, je sais pas, qui pensait à... qu'il était, disons, plus de son temps, ou je sais pas quoi. Moi, je connaissais à l'époque... Anne Wiazemski, qui était elle-même étudiante à Nanterre, et que moi j'ai toujours fait des films avec les gens que je connais, donc le fait que je connaissais Anne Wierzemski m'a fait connaître Nanterre, et c'était pas une idée d'aller à Nanterre en me disant c'est là que ça va exploser, j'en pensais rien du tout, mais je veux dire, donc j'ai une attitude, disons, plus à des moments plus naturels de... Bon, bah ça s'est fait comme ça, je sais pas. C'était juste avant, du reste, que je crois, c'était en fin 67. Après, il y a eu les événements de la Cinémathèque aussi, qui ont précédé. Et ça, c'est intéressant, parce que ça n'est pas dit dans l'histoire du cinéma. Si un jour on fait une histoire du cinéma, je veux dire, on parlera de mai 68, et si ça a été un grand bordel et un certain genre, quand on dit c'est du cinéma comme on dit c'est du cirque avec un sens péjoratif, mais si les gens ont fait leur cinéma en 68, c'est que ça a commencé dans le cinéma, ça n'a pas commencé dans la métallurgie ou dans le textile ou dans l'armée, ça a commencé dans le cinéma à la Cinémathèque française. Mai 68, enfin pratiquement, a commencé là. Les premières réunions où était Danny Cohn-Bendit, que je ne connaissais pas à l'époque, et puis après il m'a dit, ah mais je me souviens, car moi, lui, Danny, qui est un agitateur né justement, lorsqu'il y a eu les événements de la Cinémathèque quand Malraux a voulu vider l'Anglois, ben Danny était là. Donc je ne sais pas, c'est un truc et qui n'est même pas dit par les historiens habituels, ils n'essayent pas d'en tirer un enseignement sur c'est au moment où on a voulu vider quelqu'un non, qui conservait les images et qui conservait surtout l'envie de produire des images. Et la seule manière qu'il avait, qui était Henri Langlois, que j'ai toujours considéré moi comme un grand producteur de cinéma, car c'est quelqu'un qui nous a donné envie de produire des films, non pas de les regarder. Les regarder était un moment de la production. C'est un producteur de cinéma comme d'autres, et il a produit, Langlois a produit plus de films que d'autres, parce qu'il en a gardé. Et c'est au moment où on a voulu le renverser, donc il y a un certain, probablement une histoire, un inconscient de l'histoire, comme à un moment donné, on a voulu... les Médicis ou je sais pas qui ont voulu renverser Galilée ou on a voulu etc. Donc ça, je trouve, c'est un moment intéressant qui mérite d'être étudié. Qu'est-ce qu'il y avait de cinéma dans mai 68? Je vous remercie beaucoup, monsieur Gala. Bonsoir. Alors on vous remercie, on voit demain soir après la deuxième séance. Merci de votre attention. just one. Could you keep it in the back for the night? There's no court tomorrow, eh? No, not enough. No, we have a box.

Thank you. Mm-hmm.